Ambiguïté de ceux qui prétendent que ceux qui présentent leur candidature pour le pouvoir législatif ne sont pas des législateurs pour être qualifiés de cette façon. Ils disent ainsi que ce n'est pas dans leur intention de devenir législateur avec Allah, et ce n'est pas dans l'intention de ceux qui votent pour eux de leur donner le statut de seigneur et législateur, mais ils ont fait tout cela avec l'intention de faire du bien. Et la réponse à cela est, d'une part, leur prétention de ne pas être des législateurs est vaine, car l'importance n'est pas qu'ils disent qu'ils sont législateurs, mais l'important est leur statut en réalité, par rapport à la constitution et par rapport à la coutume. Car celui qui sied sur la chair du législateur est législateur et membre du pouvoir législatif, qu'il le veuille ou pas. D'autre part, lorsqu'ils disent ne pas être des législateurs et en même temps occupent des postes de législateurs, ceci est une moquerie envers la masse. C'est comme celui qui occupe la fonction de juge et affirme en même temps qu'il n'est pas un juge. Ou comme celui qui occupe la fonction d'émir et prétend ne pas être émir. Ou celui qui occupe la fonction de président et dit ne pas être président, etc. Et ces exemples démontrent que ce qu'ils affirment est complètement faux. En ce qui concerne ce qu'ils ont dit à propos de l'intention, ils n'ont pas l'intention d'être des législateurs avec Allah. Ceci est également faux, car, en premier lieu, depuis quand la bonne intention profite à celui qui perpétue de mauvaises actions ? Il est connu dans les bases islamiques qu'un innovateur voulant se rapprocher d'Allah avec une mauvaise action sans posséder une preuve justifiant son acte, ce dit acte ne peut être que caduque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toute innovation étrangère à la religion doit être rejetée », rapporté par le Bukhari et Muslim. Dans une autre version, « Tout acte non conforme à notre religion est à rejeter », rapporté par Bukhari et Muslim. Et ceci vise tout innovateur et toute personne faisant un acte non justifié par une preuve du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son acte n'est pas acceptable, il a commis un péché et son intention n'est pas prise en considération. Alors que dire de celui qui commet l'association et se met à la place du créateur législateur, gloire à lui, en siégeant à l'assemblée législative et en prenant le poste à travers lequel il aura accès à la législation absolue, chose exclusive à Allah. En second lieu, ils reconnaissent que celui qui occupe le siège du législateur en ayant l'intention d'être législateur ne peut être que législateur, mais n'admettent pas que celui qui fait cela avec l'intention de faire des bonnes actions est aussi législateur. Donc pour eux, l'intention est tout ce qui fait la différence. Et cela, sans le moindre doute, est faux, car si un individu croit qu'il est législateur et dans le même temps déclare cette croyance et dit « je suis législateur, j'ai le droit de légiférer », il ne peut en aucun cas être un véritable législateur qu'après avoir occupé le poste de législateur et fait partie du pouvoir législatif. Dans ce cas seulement, on peut le qualifier de législateur, et ce ne sont ni ses paroles ni son intention qui lui ont valu ce qualificatif. En troisième lieu, celui qui croit que l'association peut être une croyance ou une parole ou un acte ne peut pas dire ce qu'ils ont dit. Hamed ibn Abdel Wahhab rahimahullah a dit « Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que la religion d'Allah est dans le cœur avec la croyance et par l'amour et la haine, et qu'il est sur la langue par la prononciation du tawhid et non la prononciation de la mécréance, et qu'il est sur les actes par l'accomplissement des piliers de l'islam et les délaissements des actes de mécréance. Et si un de ces trois points fait défaut, la personne devient mécréante et apostat. » Abdullah ibn Abdelrahman Abibatin rahimahullah a dit « Si le musulman connaît la grandeur de cette parole inévitablement liée par sa croyance avec le cœur, sa parole, avec la langue et l'application de ses piliers, si un de ces points est manquant, la personne n'est pas musulmane, comme Allah l'a cité et montré dans son livre. Si la personne est musulmane, appliquant les piliers, mais disant une parole, faisant un acte ou portant une croyance contredisant son témoignage, alors celle-ci ne tire pas profit de sa parole. »